don't come back soon. Bosser un peu là. Bosser un peu là pendant que moi je glande. Et voici Mr. Phil, c'est rock and roll star. Thank you. Tu t'as tété dans ton main déjà. Parti. J'aime pas le rock and roll. Il n'y a pas le rock and roll. Ils sont tous partis. Là, je trouve fort le micro. Il n'aime pas le rock and roll. Il n'aime pas le rock and roll. Je joue pas de rock and roll. Je n'aime pas le rock and roll. One, two, three, four. Et toi tu aimes le rock. Mais eux n'aiment pas le rock and roll. Ils préfèrent le jazz. Mais moi j'aime pas le jazz. Ça me fait dormir. We'll be right back. on pourrait mettre une ligne de basse. Non, ça va. T'as dit qu'on pouvait sans...